Le 4 juillet 78 dans une ville, je vois un magasin flingue au bas fond celle-ci. Et là j'aperçus une fille que j'ai connue, connue dans le bordel de la chatte pourpre. Miaou miaou, une blonde à ce qu'adorait son boulot plus que tout, baby. Allô, mini babe, c'est une info qu'adore les grenades. Allô, mini babe, et puis les explosifs aussi. Aouh! Je la voyais dès que ma copine avait le dos tourné. Les brouettes en quinoa, c'est sa spécialité. Mais quand elle rencontra Kennedy Popetard, qui lui a appris l'art de tout péter, boum bim, et elle partit jouer les poseuses de bombes avec Rally. Bébé, alors mini bé, c'est une info qu'adore les grenades. Alors mini bé, et puis les explosifs aussi. Maintenant je la revois bossant au Gunsmith Cat. Et quand je suis passé pour la saluer, yo yo, elle m'a balancé une grenade de gaz lacrymo dans la gueule. Allô mini bé, c'est une info qu'adore les grenades. Allô mini bé, et puis les explosifs aussi. Allô mini bé, c'est une info qu'adore les grenades. Allô mini bé, et puis les explosifs. Allô mini bé, c'est une info qu'adore les grenades. Allô mini bé, et puis les explosifs. Allô mini bé, c'est une info qu'adore les grenades. Allô mini bé, et puis les explosifs.